de terrain. Ses mains sont des escales dans ton brouillard. Une étoile filante dans ton ciel noir. Il éclaire ta maison, peint tes couleurs. Il fait tes émotions. Pour quelques heures, il remet des virgules sur tous les points. Ton cœur en majuscule dans tous les coins. Il fait planer.